En calbar, affalé sur le lit sale, j'ai mal au crâne, j'ai pas fait gaffe. Hier encore, je suis rentré tard, j'ai vomi dans le taxi. J'y ai laissé mon sac avec dedans une petite centaine de poèmes. Et donc une partie de mon âme, de ma vie que nous ne retrouverons pas. Tu vois, quand tu n'es pas là, je m'attarde à m'attarder. Ma queue molle dans mes draps me gratte, c'est sans doute les puces de lit. J'en ai partout, jusque dans les veines, mais tant que le frigo abrite des bières, je resterai là à boire et reboire en calbar, affalé sur le lit, à faire et refaire les poèmes perdus pour les perdre dans le taxi. Tu vois, quand tu n'es pas là, je m'attarde à m'attarder. Reviens vite, mon amour, ou il faudra m'interner. La la la la la. Reviens vite mon amour, ou il faudra m'interner. Tu vois quand tu n'es pas là.